Et c'est le Red Champagne. C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Gagnant la chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au 5-5. Salut Benoît. Salut de Radio Sport. Hey Benoît, tu vas me dire de quoi? J'ai su à travers les branches que c'était le match de mercredi entre Liverpool et FC Barcelone était probablement l'un des meilleurs matchs de l'histoire. Est-ce que c'est vrai? Ben, on se calme un peu, ben non? Ouais, le match, tout d'abord, Dani, c'était le match retour entre Liverpool et Barcelone. C'était mardi. Ben, le match, écoute, c'est une belle remontée de Liverpool. Là. Cette année, là, c'est l'enfer. Là. Je ne dirais pas l'enfer, mais c'est incroyable. Et tout ce qui se passe en Ligue des Champions, en Europe, là, c'est vraiment, là, il y a eu plein de revirements, il y a eu plein de surprises. Maintenant, je te dirais, oui, c'est un grand match, mais je veux dire, regarde le pointage du match final, c'est 4-0. Bon. C'est parce que ce qui est intéressant de voir, c'est la remontée de Liverpool, parce que la semaine dernière, faut se rappeler que Liverpool avait baissé pavillon à Barcelone 3-0 avec deux super buts de Messi. Mais le match aller, Dani, même si Barcelone avait pris les devants 3-0, Liverpool avait eu beaucoup de chance à Barcelone et aurait peut-être mérité un meilleur sort. Elle aurait même peut-être même pu sortir avec la victoire. Okay. Puis là, mais Messi est allé avec deux buts, dont un coup franc, probablement un de ses plus gros, un de ses plus beaux en carrière, imagine. Moi, je pensais jamais que le match retour, on allait vivre ça. Moi, je suis vraiment un partisan et un fan de Messi, tu sais, avec... Ben oui, 600 buts d'ailleurs, hein? Le FC Barcelone, Messi, comment je te dirais bien ça? Moi, j'étais quand j'ai fait mon voyage, mes voyages avec mes étudiants à l'école, vraiment, mon premier, c'était vraiment d'aller voir Messi à Barcelone parce que c'est ce que je voulais voir. J'ai réussi à le faire et je suis très content, je suis très fier de cela en passant. Puis quand j'ai vu le match retour, j'ai écouté ça avec un ami, avec des amis, puis c'était 3-0. Déjà, on s'attendait que... Puis le Klopp, l'entraîneur de Liverpool, avait bien mentionné qu'il allait mourir mais dans la dignité si Liverpool n'allait pas passer. Il faut savoir, hein, quand il y a un match à Liverpool, en entrée de jeu, la chanson « Walk Alone », c'est vraiment impressionnant d'écouter ça, c'est vraiment incroyable. Okay. Et quand tu regardes les vidéos YouTube et tout ce qui se passe sur le web, là, c'est vraiment intéressant de voir ça. J'invite les gens à l'écouter ça. L'avant-match un petit peu avant que le coup sifflait, le début du match se fait. Alors là, ça a commencé et là t'as vu tout de suite là, que Liverpool allait attaquer. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le Barça, on a fait des erreurs défensives. Le défenseur latéral, le Jordi Alba, est allé d'une tête dès le début, a fait une mauvaise passe. Tout de suite, ça a tombé dans les pieds de Liverpool. Et il faut se rappeler, Liverpool manquait les deux gros attaquants de Mohamed Salah qui était blessé, l'Égyptien, qui est un des meilleurs attaquants depuis les deux dernières années en Europe, il n'était pas là. Il y avait Firmino, donc les deux attaquants, normalement, dans le 11 régulier, n'étaient pas là, Dani. Ça a fait que on ne pensait jamais que Liverpool allait remonter ça. Je t'invite aussi à aller sur ma page de Liverpool. J'ai mis les commentateurs anglais de ce match-là, les commentateurs fans de Liverpool. Assez incroyable, mais écoutez, c'est ma page Facebook d'Espace Soccer. Okay. Donc là-dessus, 3-1, on arrive en deuxième demi. Ça va quand même pas si mal pour le Barça. On a des chances aussi du côté de Barcelone. On a des chances. Donc, une fois Messi qui fait des super passes à Suarez, Suarez n'a pas été capable de marquer, elle est en échappée. On sait que Suarez et Coutinho, deux joueurs de Barcelone, ont déjà joué pour Liverpool. J'ai l'impression que les gars étaient gênés d'aller marquer là-bas. Je sais pas, c'est bizarre de voir ça. À un moment donné, Alba, le défenseur que je te parle, Mané, part en échappée 2-0. C'était serré avec le défenseur. Il fait une passe en appui, en retrait à Messi. Messi est surpris. C'est rare que ça lui arrive. Et là, il aurait dû lancer. En tout cas, on n'a pas marqué là-dessus. Tout soudainement, un deuxième but. Soudainement, un troisième but. C'est égal. Et en fin de match, il y a eu le corner, là, le coup de pied de coin incroyable. Je ne sais pas si tu l'as vu, Dani, aux reprises vidéo. Là. On a surpris la défensive complète là, du FC Barcelone. Tout le monde dormait au gaz, entre guillemets, Dani. Alors que, puis, selon moi, c'est un jeu qu'on avait déjà préparé là, dans les entraînements. Et on a marqué le but gagnant là-dessus. Et oui, est-ce que c'est un des meilleurs matchs des dernières années? Ben, pour Liverpool, oui, pour les supporters anglais, c'est sûr, mais ramène-toi du côté Barcelone. Moi, j'ai rarement vu Lionel Messi dans sa carrière dans les 15 dernières minutes, alors que, tu sais, ça prenait encore un but. Hein. Barcelone aurait pu aller marquer un but et on aurait passé en finale. Et j'ai pas vu Messi. Je l'ai vu marcher en fin de match, pas aller chercher les balles comme il fait d'habitude. J'ai comme l'impression que mentalement, il était complètement. C'était parce qu'ils ont eu des chances, puis ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas réussi à marquer de but. Puis je te dirais aussi que Danny, je veux juste te rappeler que l'an passé, ils ont vécu à peu près, mais c'est pas en demi-finale, c'est en quart de finale. Ils ont vécu à peu près la même chose contre l'AS Roma. Ils avaient gagné 3-1 à l'aller et se sont fait battre 3-0 au match retour. Puis c'est l'AS Roma, là. Donc, une grosse surprise. Donc, on va avoir une belle finale toute anglaise parce qu'il faut rappeler que le lendemain, Danny, ça a été encore un moment incroyable. Là. Ouais. C'était la demi-finale, c'était quoi, juste l'autre demi-finale? L'autre demi-finale, Annie, c'était l'Ajax qui a une saison incroyable. Ouais. On se rappelle que l'Ajax est l'équipe de jeunes d'Amsterdam, le club hollandais là, des Pays-Bas, qui avait battu les champions en titre depuis 3 ans, le Real Madrid. Ils les ont battus à la maison au stade Bernabéu. Et par la suite, ils ont battu le Juventus de Turin de Ronaldo, qui sont allés chercher Ronaldo en quart de finale. Ça, le Real, c'est en 8e, le Juventus en quart de finale. On arrive en demi-finale et soudainement, on avait gagné le match aller 1-0. Donc, on s'attendait à une finale Ajax, peut-être Liverpool. Moi, j'avais prévu au départ Ajax-Barcelone, mais c'est pas ça qu'on va avoir du tout. Et soudainement, la première demi, l'Ajax prend les devants 2-0. Alors là, ils avaient gagné au match aller, donc c'est rendu 3-0, Danny. Ouais. On mène 3-0. Soudainement, début de la deuxième demi, on marque un but pour Tottenham. Puis Tottenham, faut rappeler, eux aussi, le manque le meilleur attaquant, Harry Kane, l'attaquant de pointe de l'équipe anglaise qui n'était pas blessé depuis un certain temps. Donc, on marque 3-1, c'est-à-dire on marque un autre but 3-2 dans les 10 dernières minutes et dans les arrêts de jeu, le coup fatal, un triplé pour le joueur de Tottenham Correa, qui jouait avant avec le Paris Saint-Germain, on le faisait pas jouer. Et là, il arrive, il marque 3 buts, il remplace Harry Kane, si tu veux. Là, la question, j'écoutais les commentateurs français hier qui disaient, est-ce qu'on va faire, là, Harry Kane va revenir de blessure pour la finale. Est-ce qu'on va le faire jouer ou on va faire jouer, Correa qui a marqué 3 buts, là, dans la demi-finale, un triplé. Donc là, c'est la grosse déception du côté d'Amsterdam. Et le match était Amsterdam, bien sûr. Le match final de la Ligue des Champions, samedi, le 1er juin prochain. Ouais. Ça va être très intéressant. Et il faut rappeler, Dani, je vais te faire mention aussi par du côté, parce que on n'a pas parlé beaucoup de la Europa League. Ouais. Mais là, on est rendu en finale. Et du côté de la Europa League, gros, un autre duel tout anglais entre Chelsea et Arsenal. Donc cette année là, je pense que l'année 2018-2019, c'est vraiment une cuvée anglaise qu'on pourrait dire. C'est pas les Espagnols qui sont en avant, c'est les clubs anglais cette année. Mais Chelsea, puis écoute, la Ligue Europa, c'est la ligue c'est on pourrait dire la ligue des pauvres un petit peu là. C'est la deuxième ligue d'important. Dani, je te dirais pas nécessairement, c'est parce que la Ligue Europa, si tu regardes Arsenal puis Chelsea, ils ont participé, je crois que, je sais pas s'ils ont fait tous les deux la Ligue des Champions, mais ces deux clubs-là, la Ligue des Pauvres, dans le sens que c'est pas les premières positions des années d'avant, sauf que si tu participes à la Ligue des Champions et tu fais la phase des groupes et tu finis 3e sur 4, ben tu tombes en Ligue Europa. Donc, il y a des bons clubs qui se retrouvent là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Fait que là, quand tu regardes Arsenal puis Chelsea, c'est quand même des gros canons du soccer européen. Là. Fait que là, tu te retrouves avec 4 équipes anglaises en finale. Puis normalement, quand les saisons vont reprendre en août prochain, quand ils vont dire la Super Coupe d'Europe... Ça, c'est la gagnante de la Ligue Europa contre la gagnante de la Ligue des Champions. Donc, ce sera un duel anglais encore, c'est pas mal sûr. Donc, dans le 1er juin, Danny, moi, le match qui m'intéresse le plus, c'est bien sûr la Ligue des Champions. Ouais. Il va avoir lieu au stade Metropolitano à Madrid, le stade que j'ai visité avec mes élèves l'an passé à Madrid. Okay. Donc, ça va être intéressant, le stade de l'Atlético Madrid, le nouveau stade. La Ligue Europa, c'est quand la finale? Je crois que c'est mercredi dans 2 semaines, je crois. Là, je suis pas certain. Là. Ouais. Dis-moi maintenant, on va parler de la Ligue anglaise maintenant. Il y a un gros match demain. Ben, écoute, c'est le dernier match de la saison tous les matchs se font à la même heure. Tu sais, habituellement, les matchs le vendredi, le samedi, le dimanche, et même le lundi, probablement pour les chaînes de télévision, permettent d'avoir plus de matchs. Mais là, pour le championnat, pour la Ligue, on fait le dernier match de saison est tout à la même heure. En fait, il y a deux matchs, parce que là, présentement, pour le championnat anglais, tu as Manchester City, puis tu as Liverpool. Liverpool qui aurait pu tout perdre, mais en gagnant contre le Barcelone, on se retrouve en finale. Et là, demain, faut mentionner, Danny, que Man City a un point d'avance sur Liverpool. Donc, mais on joue pas un contre l'autre. Manchester City va jouer à l'extérieur contre un club de Brighton. Ça, c'est le club de 17e position. Donc, le match va être très suivi, là, si tu veux. Les deux matchs vont être suivis probablement en même temps. Et de l'autre, si Manchester City remporte son match, champion de la Ligue anglaise pour une deuxième année consécutive. Mais si on fait un match nul, puis que Liverpool remporte l'autre côté son match contre Wolves, contre le club de Wolves, c'est ça, et Wolves sont en 7e position. Donc, mais le match de Liverpool est à Liverpool. Donc, normalement, Liverpool devrait peut-être l'emporter. Si Liverpool échappe un nul ou une défaite, c'est sûr que c'est Man City qui passe en première position. Donc, très intéressant à écouter demain ce match-là là, pour la Ligue anglaise. Puis pour terminer dans les marqueurs, Danny, si tu veux, un peu là, c'est Mohamed Salah, l'Égyptien que je te parlais, qui est meilleur marqueur avec 22 buts devant Sergei Aguero du Manchester City. Et Man City va vouloir gagner avec Pep Guardiola parce qu'on l'a échappé contre Tottenham en 8e de finale de la Ligue des Champions. Là. Tu sais que souvent, les clubs vont mettre en priorité la Ligue des champions et le championnat en deuxième. Ben ouais. Ouais. Dis-moi maintenant, donc l'Impact qui joue contre l'FC Cincinnati, ça bronze du côté de l'FC Cincinnati. Pourtant, c'est une équipe d'expansion et c'est un entraîneur français qui va... Voulais-tu faire les autres résultats? Avec le championnat anglais, on peut aller en Liga espagnole. Dernier match de la saison, il reste deux matchs pour la Ligue espagnole. Barcelone est champion, ça on le sait, devant Atlético Madrid et Real Madrid. Au niveau des marqueurs, on a Messi qui domine complètement avec 34 réalisations devant 21, devant Luis Suarez, son coéquipier, qu'on n'a pas vu beaucoup lors du deuxième match, le match retour, très décevant. T'as Benzema du Real Madrid qui est troisième marqueur. Alors, au niveau de la Ligue espagnole, c'est le Barça qui remporte le championnat. Et on va jouer dans les prochaines semaines la Coupe du Roi, la finale de Coupe du Roi. Là. Je pense que c'est Barcelone qui a plusieurs titres là, de consécutifs. Là. Si tu veux qu'on y aille après ça en Serie A italienne, c'est la Juventus qui domine, qui est maintenant champion avec 89 points devant Naples, le club de Napoli, devant l'Inter de Milan qui est en troisième position. Au niveau des marqueurs, c'est le... du Sampdoria, c'est même pas un des meneurs du classement au niveau des équipes, là. Quagliana, alors il est en avance sur Zapata et Ronaldo. Ronaldo qui y va avec 21 points. On le voit un petit peu moins là depuis l'élimination là, du Juventus en tu sais, le championnat pour la Juventus, ça fait 8 à 8 ou 9 ans consécutivement qu'on le remporte. On est allé chercher Ronaldo vraiment pour la Ligue des Champions. Et il a fait un beau parcours, mais c'est pas ce qu'on s'attendait. Là, parce que l'an passé, ils ont perdu quand même en demi-finale. Par la suite, Danny, on peut aller en Bundesliga allemande. On va aller voir un peu le classement. On sait que c'est la fin de Ribéry et Robben. Oui, j'ai hâte de voir Ribéry. Après moi, ça s'en vient dans MLS. Est-ce que je me trompe? J'aimerais bien ça aussi. Ça serait vraiment une belle annonce de la MLS d'avoir ce joueur-là. Maintenant, c'est pas dans leur mentalité, l'Impact. Non, ça serait vraiment intéressant de voir ce joueur-là à Montréal. Mais là, je pense qu'en regardant ce qui se passe avec l'Impact, pas sûr qu'on va aller chercher un joueur de ce niveau-là. Alors là, pour la Ligue, il reste deux matchs en Ligue, en Bundesliga. C'est le Bayern qui est en avance encore, qui a plusieurs titres consécutifs là, et devant le Borussia Dortmund, là, c'est toujours ces clubs-là qui se trouvent premier, deuxième. Au niveau des marqueurs, si on regarde un peu de Lewandowski, qui est le Polonais du Bayern, qui a 22 réalisations devant Alcacer, l'Espagnol du Dortmund, donc à ce niveau-là. Et pour terminer, les ligues en Europe, Dani, la Ligue 1 en France, je dirais maintenant que c'est le Paris Saint-Germain qui termine vraiment sa saison à queue de poisson. C'est vraiment difficile. Là. Si on regarde les cinq derniers matchs là, qu'ils ont, là, ils ont 3 défaites, 1-0, 1-0. Ça va vraiment pas bien. Depuis leur défaite contre Manchester United à la 8e de finale, on va se rappeler de ce moment-là. Là. Donc, c'est très difficile. Quel joueur qui va partir du PSG? On parle même que les propriétaires, peut-être à bout de souffle un petit peu, je sais pas si on va toffer. Je pense qu'il y a un contrat encore de quelques années, là. Ensuite, il y a Lille et Lyon qui est deuxième et troisième à ce niveau-là. Donc, fin de saison décevante pour le Paris Saint-Germain. Mbappé qui est meilleur marqueur avec 30 buts quand même. Il est derrière Messi, si tu veux, en Europe, qui en a 32. Là. Et en deuxième position, c'est Pépé qui vient de Lille. Et là, si tu veux, on peut, comme tu peux mentionner tout à l'heure, on peut parler de la MLS comme tu veux. Là. L'Impact, oui. L'Impact qui joue contre l'FC Cincinnati cet après-midi. L'FC Cincinnati, ça brasse. On a déjà congédié l'entraîneur, puis là, ce qui est surprenant, c'est que l'entraîneur, écoute, c'est une équipe d'expansion. Oui, mais Cincinnati, écoute, faut pas s'attendre. C'est pas le Atlanta United qu'on a vu l'année passée. Là. C'est d'autres choses. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes. C'est un entraîneur français qui est là en parlant de ça. Donc moi je pense que Cincinnati, on va voir un peu comment ça va. La saison n'est pas nécessairement bien commencée, mais je pense qu'il faut pas qu'ils partent en peur non plus avec cette façon de voir là non plus. Comment je te dirais ça? Pour l'Impact, bon, on va se rappeler le match de mercredi soir. Moi, j'ai bien aimé Danny l'alignement de Jackson Hamel avec Yoti. Ouais. On sait que Urruti n'avait pas marqué encore un but en saison. Et non plus avec la Okwuegbo qui non plus ça marchait. Ça fonctionne, mais pas tant que ça. On le dit depuis le début de l'année, l'attaque de l'Impact n'est pas si offensive que ça. Oui, défensivement. Petit a manqué plusieurs matchs. Il a manqué 9 matchs. Ouais. Et comme je te dis, on a 12 matchs à jouer. Petit en a joué seulement 3. Mais quand tu regardes le classement, on est en triple égalité avec DC United et Philadelphie. Donc, on a 20 points. Donc, ça va être intéressant de voir le match aujourd'hui. Moi, je pense que l'Impact devrait peut-être battre Cincinnati. Qui, quand tu regardes le classement, sont en 11e position sur 12. Donc, à voir pour le futur. OK. Benoît, ça fait pas mal le tour. On s'en reparle dans 2 semaines pour une autre chronique du soccer. Yes. Benoît Lavoie d'Espace Soccer, la référence soccer au Sénégal.